Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Ça brasse pas mal à Ottawa. Les gens qui sont sur les médias sociaux ont vu 7 joueurs des Sénateurs d'Ottawa, dont quelques joueurs connus, dont Matt Duchene et également Thomas Chabot, parler un petit peu de l'entraîneur adjoint Martin Raymond, parler de ça et rire un peu de son désavantage numérique et mettre en cause un petit peu ses connaissances. On en parle avec le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa, la radio, Nicolas Saint-Pierre. Bon midi, Nicolas. Salut. Nicolas, toute une histoire. Moi, je trouve pas ça... Oui, c'est grave dans un sens, mais dans l'autre sens, ce qui est grave, c'est qu'ils se sont fait poigner, parce que, soyons honnêtes, dans toutes les sphères de la société, ça parle dans le dos du boss, puis ça rit un peu, ça peut même mettre en cause les connaissances du gars, et ainsi de suite. Donc, ce qui est grave, c'est qu'ils se sont fait poigner. Oui, c'est ça. Puis, yeah, écoute, on s'entend là, que... d'une façon quotidienne, là, je pense qu'on n'apprendra rien à personne. Il y en a des séances de bitchage entre employés, oui. Que ce soit au niveau du sport professionnel ou que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est correct. Mais malheureusement, la vidéo a été rendue publique. Malheureusement, il y a des noms qui ont été exposés. Malheureusement, c'est la réputation d'un bonhomme qui a été mis, a été secoué, on va dire comme ça. Alors, c'est dommage. C'est l'histoire, malheureusement, de jeunes qui sont mis les pieds dans les plats. On nous rappelle également avec cet incident-là que maintenant, dans le quotidien, les caméras se pointent vers nous n'importe quand. Alors, on n'est jamais à l'abri, justement, d'une incartade puis d'un incident comme celui-là. OK. Est-ce que les gars ne devaient pas être gros dans les culottes ce matin à l'entraînement? Hein? Sais-tu, j'imagine que le message qu'on a essayé d'envoyer, puis c'est correct comme ça, c'est un message fort disant qu'on avait réglé les affaires à l'interne puis qu'on était déjà passé à d'autres choses. Puis je pense honnêtement que c'est Guy Boucher lui-même qui a dit ça. C'est que, oui, c'est correct, on l'a fait, mais là, maintenant, on passe à d'autres choses. Puis vous l'avez appris maintenant, mais nous, on est déjà rendu là, à quelques jours après, parce que on est au courant de cet incident-là depuis déjà quelques temps. Alors, on a adressé la situation, on a mis les barres CT puis les points CI, puis là, maintenant, nous, on est passé à d'autres choses. Alors, on a vu que tout le monde semblait justement pousser dans le même sens, tout le monde est bien content, puis encore une fois, une image pas pour les Kodaks présents aujourd'hui. On a vu Martin Raymond en grande discussion avec Matt Duchene en plein centre de la patinoire, en train de rigoler, tout ça. Question de nous montrer encore une fois que les problèmes étaient réglés. Ouais, fait que c'est peut-être un peu stagé aussi, là. Un peu beaucoup, probablement. Ouais, regarde, c'est ça que je te dis. C'est un bel exercice de relations publiques. Ouais, effectivement. Là, la suite des choses, parce que moi, je me dis, regarde, ça va comme c'est mené. Hein. Écoute, c'est mené tout croche, ça part du propriétaire jusqu'en bas. C'est pas surprenant. Mais là, la suite des choses, il y a beaucoup de monde qui suggère que les Saints doivent se débarrasser de Matt Duchene. Matt Duchene avait la réputation d'un leader négatif. La vidéo nous montre que c'est peut-être vrai. Mais là, le problème, c'est que Pierre Dorion, il l'a payé très cher. Puis, pas sûr, moi, qu'il va y avoir bien des équipes qui vont courir après pour ses services, compte tenu qu'il est joueur autonome à la fin de l'année, puis tout ce qu'on connaît maintenant. Danny, c'est un excellent point, ça. Puis d'ailleurs, on en parlait à bâton rompu avec quelques collègues. Et c'est effectivement un point qu'il faut soulever, c'est que maintenant qu'on sait que Matt Duchene n'est pas au beau fixe avec la vision du club, ou du moins avec les membres du personnel d'entraîneur, lui qui apparemment traînait déjà une certaine réputation, c'est sûr et certain que là, il y a des équipes qui pourraient peut-être se porter intéressées à s'acquérir de ses services, vont refaire leurs devoirs. Ils vont peut-être aller creuser un petit peu plus loin. Je pense que effectivement, un des grands perdants dans cette histoire-là, c'est Matt Duchene, qui avait justement une image à maintenir, qui avait une réputation également, puis surtout des performances, question de bien paraître devant ceux qui voudraient peut-être se porter acquéreur de ses services. Alors, Matt Duchene, en ce moment, vient de perdre des plumes, et dans ce contexte de reconstruction, je pense que probablement avec cet incident-là, on ne vient pas d'avancer, mais plutôt de reculer dans les chantiers des sénateurs. OK. Dis-moi, est-ce que, du coup, moi, je pense que, mais en même temps, je pense que ça presse compte tenu que vous avez un blue chip qui s'appelle Thomas Chabot. Vous avez vraiment une perle, un diamant à polir qui est Thomas Chabot. Puis, à quelque part, il ne faut pas qu'il soit déconcentré par des leaders négatifs comme Matt Shane. Là. Fait que, tu sais, ça coûte à 2-3 cents. Tu parles de ça, mais regarde encore, puis je sais pas si t'as regardé la vidéo complète, mais moi, je me sentais un peu mal à l'aise pour Chabot, qui, comme tu l'as dit, s'amène ici, puis est en train de nous faire oublier un Eric Carlson, mais dans la discussion, je le sens un peu mal à l'aise, puis on sent un kid qui essaie juste d'embarquer dans la gang, puis de se faire accepter. C'est plate à dire, mais lui, malheureusement, se trouve sous les feux de la rampe, puis c'est probablement là un incident qui va l'aider à grandir dans cette organisation-là. Mais là, maintenant, ça sera de bien l'entourer, ça sera effectivement de peut-être plus contrôler ses sorties ou son message qui va passer pour les quelques temps. Question justement de faire oublier cet incident-là, puis encore une fois, de le voir performer sur la glace. Mais quelque part, t'as un Pierre Dorion que lui non plus, la crédibilité, on repassera, parce que de la manière qu'il a traité Guy Boucher l'année passée, c'est rare qu'on avait vu ça, là. Donc, quelque part, lui, ouais, est mal placé non plus pour aller faire la morale, là, non plus, là. C'est un drôle de. C'est vraiment un drôle une drôle de situation, là. Je sais pas si c'est drôle ou peut-être pathétique, ouais, mais on dirait qu'on n'est pas capable de passer une semaine sans voir une histoire négative entourant les sénateurs. Je peux comprendre à un moment donné que le monde commence à en avoir leur voyage, puis je peux comprendre qu'à chaque fois qu'on semble se sortir justement du marasme. Puis dernièrement, c'est ça qu'il faut rappeler également, dernièrement, de très beaux gestes qui avaient été portés. Un pour saluer des anciens. Mm. On a parlé à la cérémonie justement de notre ami Jonathan Pitt, l'enfant papillon. De très belles cérémonies qui, encore une fois, aidaient à faire oublier les moments négatifs du passé, puis on semblait qu'on s'en allait, puis qu'on grandissait, puis les gens, le capital de sympathie commençait à augmenter pour les sénateurs, et là, ben avec ça, garde ses plates. Tu parles de Pierre Dorion, je suis pas certain que lui, c'est lui qui perd le plus de plumes dans une histoire comme celle-là. Je pense pas que sa crédibilité est minée, mais là, ben, ça sera à lui, justement, de négocier dans cette tourmente en tentant, justement, de transiger pour Matt Duchesne, parce que je vois difficilement comment on pourrait maintenant prétendre qu'on veut signer Duchesne, alors que là, maintenant, ben, encore une fois, semble un des mécontents, là, dans le vestiaire. OK. Dernière question, Nicolas. Sur le site de la Ligue nationale, en même temps que je te parle, on fait état que les sénateurs ont joué 2000 matchs. Ils ont atteint le 2000e match. Oui. Depuis leur entrée dans la Ligue nationale, ils ont quand même quoi? Une participation à la finale de la Coupe Stanley, une participation également à la finale de la conférence depuis 26 ans. Un championnat de saison régulière aussi. Un championnat de saison régulière. Dans l'ensemble, c'est quand même pas si pire avec tout ce qui s'est passé aussi autour des sénateurs. Ça a jamais été facile avec les sénateurs. Là. Ben écoutez, c'est une histoire qui a commencé autour d'une bière après un match de Ligue de garage. Puis. Fallait avoir de la vision, fallait avoir du cran, puis fallait surtout avoir justement des convictions. Alors, messieurs Firestone, Sexton et Leader ont justement passé à travers plusieurs étapes avant de voir la concrétisation. Et tu parlais du 2000e, on avait un match entre Lightning et les Sénateurs, les petits cousins justement de cette expansion de 92, les deux formations qui jouaient leur 2000e match. Je peux comprendre que dans l'ensemble, on va toujours retenir le nombre de bagues de la Coupe Stanley. Le Lightning semble avoir le déçu parce qu'ils ont remporté en 2004, évidemment. Mais si tu regardes justement la fiche de ces 2000 matchs-là, la fiche positive ou la fiche gagnante est du côté des sénateurs, alors que le Lightning, d'une façon globale, ont une fiche perdante. Tu as compris, tu as également parlé des faits d'armes, la participation à la finale, le championnat de saison régulière et tout ça. Alors oui, c'est une équipe qui a quand même bien progressé. C'est une équipe qu'on doit juger avec le nombre de Coupes Stanley. Malheureusement, on n'en a pas. Mais c'est quand même une formation qui, au début des années 2000, jusqu'à pour une bonne décennie, était certainement le standard dans la Ligue nationale de hockey. Alors, je pense que pour l'organisation, on a ça sur lequel se baser. Et c'est tout simplement de retrouver justement la recette qui a fait les beaux jours de ce club-là. Mais la seule différence, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas assez développé de loin, là, de très loin. Je te parle du lac Saint-Jean, donc j'en regarde ça très loin. Le marché francophone, ils l'ont délaissé un petit peu. Ça s'est amélioré au cours des dernières années. Par contre, ils l'ont passé. Mais le problème des Sénateurs, c'est qu'ils sont pris en sandwich. Hein. D'un côté, t'es les Leafs de Toronto, puis de l'autre côté, t'es les Canadiens. C'est pas comme les Nordiques à l'époque. Là. Tu sais, t'avais l'Est du Québec qui se ralliait aux Nordiques. T'sais, c'est pas pareil pantoute, là. Ben, ça a été une génération complète, puis connaissant l'historique entre les Sénateurs, le Canadien et les Nordiques, ouais. Oui, on peut faire certains liens, mais comme tu dis, la situation géographique, d'une façon naturelle, avant la venue des Sénateurs, ben il y avait des fans soit du Canadien, soit des Maple Leafs, et les Sénateurs sont retrouvés justement là entre l'arbre et l'écorce en devenant une franchise, mais il a fallu aller gagner ces partisans-là. Il y en a qui l'ont fait d'une façon plus naturelle. Il y en a d'autres qui on a fallu attendre une génération complète avant de voir justement une nouvelle cohorte de partisans. Oui, on a peut-être trébuché pour développer l'aspect francophone, mais il reste que c'est un bassin qui reste à exploiter, oui, mais auquel on a tendu des perches dernièrement, comme tu l'as rappelé. Alors, je pense qu'on, sans dire qu'on veut réparer certaines choses, je pense que là, maintenant, ben il y a une volonté. On veut faire les choses à bonne façon, puis on veut ramener justement la clientèle de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire la clientèle gatinoise, pour qu'ils s'approprient les Sénateurs d'Ottawa. Nicolas Saint-Pierre, gros merci. On s'en reparle au prochain Ramasse Savon. Réel plaisir. Nicolas Saint-Pierre, le descripteur radiophonique des matchs des Saints.